Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre émission d'actualité musicale Zik Actu. Vous êtes en direct sur RDB, la radio des Boutières, et pendant une heure je vais vous faire découvrir plein de musique que je suis allé chercher toute la semaine pour vous. Et on va commencer tout de suite avec un artiste qui s'appelle Fada Freddy, qui sort un album qui s'appelle Gospel Journey. Et vous allez voir, c'est un album qui est uniquement vocal, donc dans ce que vous allez entendre, il n'y a que des voix. On écoute Fada Freddy, Slow Down. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, take it easy. Slow down, take your time, it'll be alright. If you decide to take it on the signs, take it easy, take it easy. Slow down. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Well, I understand life isn't your friend, and it's so hard sometimes. But guess what? You're not the only one. The door is shut, but so is your mind. Écoutez Fada Freddy, vous êtes en direct sur RDB. Et donc Fada Freddy, un artiste que je vous conseille, c'est un artiste sénégalais. L'album est super chouette, exclusivement vocal. Et en fait, Fada Freddy s'est fait connaître par un EP en 2014 où il avait fait une reprise de Sia, Little Black Sandals. Sans transition, on passe sur cette reprise, on va en écouter un petit bout. I'm being dragged down, down by the hand of a golden giant man. He's crossing my knuckles, fleeting my skin. He says he'll let go, if only I'd ask it of him. He says, girl, it's your call, you wanna fly. wanna fall. So I shout, oh, I wanna get away from you as fast as I can. I tell my feet to move it, I hope they have a plan. These little black sandals are walking me away. These little black sandals are heading the right way. These little black sandals are walking me away. These little black sandals saved my life today. Voilà, c'est une reprise de Sia, donc par Fada Freddy, la reprise qui l'a fait connaître. Et Sia elle-même reconnaît que c'est la meilleure reprise de ce titre-là. Voilà, donc Fada Freddy, je vous le rappelle. Fada, F-2-A-D-A, Freddy, plus loin, c'est son prénom. Si vous voulez, enfin c'est son prénom, pas vraiment, c'est pas son vrai prénom, mais c'est son nom de scène. Si vous voulez évidemment trouver toutes les façons dont écrire les mots des groupes que je vous passe, parce que des fois c'est un peu compliqué, vous pouvez regarder sur la page de Zik Actu PodCloud sur internet. On continue avec un autre groupe, avec un groupe qui s'appelle Blur, qu'on connaît forcément depuis pas mal d'années, et qui revient. Ils ont maintenant presque la cinquantaine, et ils refont un album ensemble. Les quatre membres originaux de Blur reviennent avec un nouvel album, The Magic Whip, avec des consonances assez orientées sur l'Orient, puisqu'il a été composé essentiellement à Hong Kong. On écoute There Are Too Many of Us de Blur. Mistakes we make, 'cause there are too many. Vous écoutiez Blur sur RDB, l'émission c'est Zik Actu, on parle de l'actualité musicale et donc ça c'est quand même une grosse sortie d'album, une sortie d'album de Blur, ça faisait 13 ans qu'on n'en avait pas entendu parler de Blur. Et donc ce titre We Are Too Many Of Us, c'est pas spécialement le single mais c'est un titre moi qui m'a beaucoup personnellement touché, que je trouve très beau et voilà, We Are Too Many Of Us, nous sommes trop nombreux, on sent la fable écologique derrière ce titre. Voilà, je vous conseillerais évidemment de lire les paroles et de les traduire si vous êtes fort et de nous les partager éventuellement sur la page de Zik Actu sur Facebook. Donc Blur, ça faisait donc 13 ans qu'on n'en avait pas entendu parler, c'est leur 8e album et entre temps, dans ces 13 années, Damon Albarn, le leader, n'a pas chômé. Je vous en ai souvent parlé, on en a pas mal parlé l'année dernière parce qu'il a sorti son album solo qui s'appelait Lonely Press Play, non ça c'était le single. Je sais plus, Everyday Robots, voilà c'est ça. Mais il n'a pas fait que ça en 13 ans, il a fait aussi Gorillaz que vous connaissez forcément. Et j'aimerais donc m'attarder un peu encore sur Damon Albarn et revenir allez, une petite dernière fois, mais en même temps il a toujours de l'actualité donc on a toujours l'occasion d'y revenir. Notamment avec un album, il a sorti un album qui s'appelle Dr. D, on écoute le titre Apple Cards, toujours Damon Albarn, le leader de Blur. The apple carts up from Silvery Hill, higher until heaven reveal. On the adult dawn, respond to great authority, singing Alleluia, Alleluia, love does reign. The kingdom of the broken heart, the blackbird sings, and the morning laughs as war begins. Dance. Apple carts, burn them until a great fire begins to glow in the sky. There beneath the stones, reach up from great austerity, raining down from above. Distant is love, distinct. In the kingdom of the broken heart, a blackbird sings, and the sun it loves as war begins. Is real. Cast the body out into prevailing winds, where it lands and grows, the blackbird will sing. Voilà, nous étions en Angleterre avec Damon Albarn, avec cet opéra Dr. D, qui s'inspire de la vie donc d'un docteur John Dee, un scientifique anglais qui a vécu au XVIe siècle, qui était un conseiller de la reine Elisabeth Ier. Donc c'était un opéra en fait, ça a été monté sous forme d'opéra en 2011. Et il n'a pas fait que ça, il a fait aussi un opéra en Chine qui s'appelle Journey to the West. Donc vous allez voir qu'on va pas mal voyager dans cette émission cette fois. Donc on part en Chine avec le titre The Living Sea. C'est donc extrait de Journey to the West de Damon Albarn, un opéra chinois. Chili, 花生. ça c'était pour la Chine. Donc l'opéra s'appelle Monkey Journey to the West et c'est vraiment une coproduction internationale avec entre autres le Manchester International Festival, le Théâtre du Châtelet à Paris, l'Opéra de Berlin, enfin voilà, une grosse production avec des chanteurs chinois, de la mise en scène chinoise et puis voilà, Damon Albarn aux commandes de tout ça. Et Jamie Hewlett, qu'on avait aussi dans Gorillaz, Jamie Hewlett qui a fait la conception visuelle. Gorillaz, en fait, c'était deux personnes, c'était Damon Albarn et Jamie Hewlett, qui est en fait un auteur de comics stylé donc américain, qui a fait notamment Tank Girl. Et voilà, c'était ce duo Jamie Hewlett, Damon Albarn pour Gorillaz. Je vous conseille évidemment les clips de Gorillaz. Et dans toutes ces pérégrinations, Damon Albarn a passé une dizaine de jours au Mali. Et cette dizaine de jours a changé sa vie et il a notamment ramené en fait plein de musiciens maliens en Europe qui l'ont accompagné notamment sur des tournées et qui les a fait émerger en fait en Europe. On écoute donc une compilation qu'il a fait paraître à son retour du Mali. Le titre de ce titre, oh là là, grosse forme ce soir, s'appelle Bamako City. C'est parti, Bamako City. Extrait de Mali Musique. Bamako City, extrait de l'album Mali Musique, donc en coproduction entre des artistes du Mali et Damon Albarn. Donc on est toujours en train de parler de lui. Mais cette fois, on va s'en éloigner un petit peu, parce que du coup, pendant toutes ces pérégrinations courtes mais efficaces au Mali, il a notamment permis à un groupe d'émerger qui vient juste de sortir son album. C'est pour ça qu'on voilà, on en parle, c'est de l'actu. Ça s'appelle Songoy Blues, donc ils viennent du Mali, et le titre de l'album, c'est Music in Exile, et on écoute Soubour, Songoy Blues. Ça, c'était donc pour le Mali avec Songoy Blues qui sort son nouvel album Music in Exile, son premier album, et c'est très très bon, donc une musique métissée entre blues et musique africaine. Voilà, on a fait le Mali, on a fait le Sénégal avec Fada Freddy, on a fait l'Angleterre avec Damon Albarn, on a fait la Chine avec Journey to the West, et maintenant on prépare un grand saut pour Cuba. Il y a pas mal de liens entre Mali et le Cuba, parce qu'en fait il y a pas mal de musiciens qui venaient, qui sont en fait issus de familles d'esclaves africains, donc qui habitaient à Cuba et qui ont été amenés à Cuba, on va dire. Et du coup, le lien est assez facile entre Mali et Cuba. Il y a notamment un groupe qui s'appelle Afro-Cubisme et qui est un mélange parfait entre ces deux cultures. Même Buena Vista Social Club, en fait, est un groupe qui a été formé par défaut Parce qu'en fait, à Cuba, ils attendaient des musiciens maliens qui n'ont pas pu avoir leur visa. Et donc, ils ont pris Ibrahim Ferrer et toute sa bande. Mais on reviendra à Buena Vista Social Club. Il manquait une pièce pour faire le saut et en termes de musique. Et donc, cette pièce-là, ce sera Calexico qui sort son nouvel album, Edge of the Sun. Je vous fais écouter Cumbia de Donde, hein, on va dire, hein, ce qui permet de faire le saut entre le blues et la musique d'Amérique du Sud. On écoute Calexico, un groupe... des États-Unis, mais avec une musique extrêmement métissée. Calexico. C'était donc Calexico avec Cumbia de Donde. Et voilà, le saut est fait. Nous sommes maintenant à Cuba avec Buena Vista Social Club qui sort un nouvel album qui s'appelle Lost and Found. Un très bon titre d'album au passage. Et le titre qu'on va écouter s'appelle Macusa. Si vous aimez danser, c'est maintenant. Profitez-en. Tu me quisiste Macusa y yo también te adoré con tanta ilusión te quise que nunca de ti dudé. Un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste Macusa, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di y me pediste tus cartas que en ellas decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir. Nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo, creyendo que así guardado conservaría el recuerdo. razas se dieron cuenta que todo iba a ser traición. Se metieron en el cofre donde guardé mi pasión, destruyendo los recuerdos del engaño de tu amor. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Por un poquito de tiempo que de ti me separé. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me traicionaste, mamusa, ay, qué triste yo me quedé. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, nadie, nadie te querrá. Dulce es el recuerdo de la noche aquella. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Tú me quisiste, mamusa, y yo también te adoré. Como yo te quise a ti, mamusa, nadie te querrá, nadie, pero nadie, nadie te querrá. Vous écoutiez Buena Vista Social Club, et oui, finalement, on passe de tout dans Zik Actu, et c'est ça qui est cool. Voilà, donc, ils sortent leur nouvel album qui s'appelle Lost and Found, et en fait, voilà, Buena Vista Social Club, c'est un groupe qui a été créé de toutes pièces par une maison de disques qui s'appelle World Circuit, c'est avec tous les papas de la musique cubaine. Il y a un film de Wim Wenders qui est super à ce propos. On continue avec 12 mai et Raf. Voilà, base de rythme latino, la transition se fait tout doucement. Et cette fois, donc, on est revenu en France, on a déjà pas mal voyagé. Vous écoutez 12 mai et Raf, un groupe de Saint-Étienne, un duo en fait composé d'un MC et d'un saxophoniste. Ça s'appelle Quart de siècle. 2009, le quart de siècle est passé. J'ai l'impression d'agoniser sous les ruines de ma folle jeunesse. Je cours après des années mortes, j'en suis esclave. Ça me fait mal, mais je sais que je me trompe de maître. Plus le temps pour les commérages, des relations foireuses, la vie en cage, la rage, des songes de merde. Le bonheur, j'y ai droit comme tous. Pour aller le chercher, j'attends pas qu'on pousse. Tous les gens se démènent, veulent une part aussi. Mais tu sais qu'ici on récompense les mêmes. Ceux qui lancent les nerfs, ceux qui se vendent s'énervent. Viens pas m'en parler quand je suis sous les soirs ou quand j'émerge. Difficile d'avancer dans ce désert, j'y pense des ailes. Faut que c'est par ça, je prends même plus le temps de baiser. Des fois je prends des airs d'adolescent rêveur. Le quotidien vient me rappeler que je n'ai pas manqué d'air. Car j'étais triste à l'époque, dans la piste à l'école. Tout a changé quand j'ai remplacé mes vices par les clopes. Je n'attise pas les hommes à se défaire du passé, à considérer que tout ça est bel et bien perdu, cassé. Cultivez cette flamme, retenez vos spectres là. Le livre de la vie ne se résume pas en cette phrase. Je m'exclame en extase, c'est peut-être la Z là. Mais chantez le refrain avec moi si vous êtes là. We'll be right back. gars, le monde change, les codes changent, les mots changent, d'autres gens parfois te chambrent avec sévérité. De quoi perdre le bon sens, la constance règne, le gamin dans sa chambre, rêve de célébrité. Endormi par les audiences, les mots me semblent vides et plus personne ne court après la vérité. Vu la baisse du taux de chance, faudra pas s'étonner si on récolte un jour ce qu'on a mérité. J'sais que t'as le don de faire ça, manger leur gros spectacle en bon spectateur. Moi j'ai honte d'être là, j'veux qu'on me laisse marcher dans mes baskets sales, qu'on me teste pas. C'est un concept large, la liberté je le sais, mais je suis contre cette lâche idée qu'on subit son destin. Donc cette fois, je réfléchis à mes écrits. Là c'est bon mec, t'as les clés en main pour me décrire. Et donc 12 mai, un MC stéphanois qui continue en solo et que vous pourrez retrouver évidemment sur scène. Voilà, ça c'était Quart de Cercle, issu de leur deuxième album. Il y en a trois que je vous recommande chaudement, je pense que je vais inventer ce verbe parce que j'arrête pas de vouloir le dire. On continue dans le hip-hop et on reste en France avec Hocus Pocus, donc le groupe dirigé par Vincil, et on viendra donc à l'actualité après avec Vincil qui sort un nouvel EP. Et donc là on écoute un titre extrait de leur premier album qui s'appelle Pascal. C'est extrait de 73 j'ai touches. J'ai vu le jour grâce à un coup de vent. Par une fenêtre entrouverte, j'ai foutu le camp. À peine sorti de l'offset, j'ai dit ciao la planche à billets. Une sale ganache, un 5 et 2-0 sur le dos imprimé. Encore jamais froissé, on m'a dit que des collègues avaient même fini déchiré. J'attends là, sur le trottoir, que quelqu'un prenne le magot. Cette vieille me ramasse, au risque de se faire un lumbago. C'est les premières mains qui me touchent et elles sont toutes ridées. Elles tremblent, se crispent, peut-être à l'idée de me mettre au chaud en attendant les fêtes sous le matelas. Seulement son petit fils lui rendait visite ce matin-là. Il connaissait la planque sous le dallo pilote et m'a glissé dans son baggy. Et a dit merci, bonne journée, mamie. Dans cette poche, entre un bout de shit et un trousseau de clés, papier de luxe parmi quelques feuilles OCB, j'entends allez, petite merde, file-moi toute tes thunes. Je sens une grosse secoue, c'est fini sur le bitume. Change de main et laisse mon ex proprio au sol. Je suis entre ses doigts jaunis par le tabac et ses ongles sales. Pétard, l'accro du poker me joue sur un tapis vert de suite. Me perds contre une paire de 8, j'y gagne puisque je finis entre une paire de 5 dans un strip bar où va celui à qui j'appartiens. Quelle agréable sensation que d'être un Pascal, glisser dans un soutif ou un string, là je m'installe. Ça ou les mains sales, y'a pas photo. Jusqu'à ce que la belle me roule serré pour sniffer sa coco, puis me déroule pour quelques grammes. Me glisse dans la poche du dealer de cannes. Il me sort dans une embrouille, j'évite le drame. Un autre me parle qui va se raser le crâne. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour 500 balles? Bref, j'ai pas mal tourné. J'ai perdu mes couleurs, léché les bords écornés. On m'a traité tous les noms. Du cash au liquide, en passant par bifton. Jusqu'à ce que je tombe entre des mains d'experts. Celle de ce faussaire qui décide de me faire des faux frères. Sans se douter qu'il était observé par la BAC, qui n'attendait qu'une chose, le serrer la main dans le sac. Chose faite, en pensant que j'étais un des faux, un des flics m'embarqua. Allez, un de plus ou un de moins en secret dans le parc. Il me donna à celle qui lui donna son corps en échange. Flic, pute, argent sale, quel spectacle alléchant. J'ai eu mon compte et pas à moi, où ouais, l'Elias me manque. À croire qu'elle m'a entendu. Elle m'a mis à la banque. J'ai passé la nuit au fond du distributeur sans penser qu'à midi j'allais passer un sale quart d'heure. On m'a retiré, froissé à côté d'un paquet de gitanes. Sorti sur un plateau de télé pour embrasser une flamme. Bientôt condamné à mourir, remplacé par l'euro. Ce mec mal rasé m'a cramé et j'suis mort en héros. HP. Pascal, yeah. On m'a traité de tous les noms. On m'a traité de tous les noms. Cash, green, it's a money thing. On m'a traité de tous les noms, tous les noms, tous les noms, tous les noms. What a day, what a day. Vous écoutez Hocus Pocus, c'est l'émission Zik Actu, votre émission d'actualité musicale. Et ça, c'est pas de l'actualité, mais en tous les cas, on y vient. Parce que donc, le MC de ce groupe est un hyperactif qui s'appelle Vincil, 20 comme le chiffre, et Syl, S-Y-L, finalement, c'est Sylvain en verlan. Et en fait, il a fait tellement de choses, ce gars-là. C'est donc des albums avec Hocus Pocus, des albums solo. Il faisait notamment partie de C2C. On écoutera un peu de C2C après, du coup, pour resituer. Et aussi, c'est un graphiste qui a fait plein de pochettes d'albums. Voilà, tapez Vincil dans Google et vous allez voir tout ce qu'il a fait. Cet homme-là, c'est incroyable. Et donc là, on vient d'écouter le titre Pascal, qui n'est autre que l'histoire du billet cramé par Gainsbourg. Ouais, ça fait référence à tout ça. Je vous conseille de réécouter le titre, peut-être du début. Vous pouvez facilement le trouver, à mon avis, sur YouTube. Vous tapez Pascal Hocus Pocus. Et du coup, vous allez comprendre un peu toute cette histoire du billet. Qu'est-ce qu'il a vécu, ce billet, pour en arriver jusqu'aux mains sales de Gainsbourg. Et voilà. Donc ça, c'était... Moi, je trouve que ce texte est super bien écrit. Et globalement, tout ce qu'il fait se transforme un peu en or, ce Vincil. On continue donc avec son EP qui vient de sortir. Ça s'appelle Motif 2. Il y avait un premier motif qui était sorti il y a l'année dernière. Et donc, c'est un EP essentiellement électro avec quelques featuring pour poser les voix. Et on écoute un titre qui s'appelle You Know en featuring avec personne. C'est donc Vincil, You Know. You know that. C'était donc Vincil pour un nouvel EP. Et Vincil, vous l'avez forcément entendu dans C2C. Dans C2C, notamment avec ce titre, je suis sûr que vous le connaissez par cœur. No, you won't. Until you try. You'll never feel happy. Et vu qu'on est un peu sadique, dans Zik Actu, on passe jamais les musiques qu'on connaît bien et qui font du bien à la tête, mais seulement des nouveautés. Et du coup, je vais vous passer un autre titre de C2C quand même, parce que je suis pas vache. Le titre qui clôt l'album, donc qui s'appelle FUYA. C2C, c'est 4 DJ originaires de Nantes. Et ça, c'est le titre donc, qui clôt leur album Tetra, et que moi je trouvais exceptionnel. On écoute C2C. Écoutez C2C, on va pas avoir le temps d'écouter le morceau en entier, mais évidemment, je vous conseille d'aller l'écouter. C'est extrait donc de l'album Tetra, le seul album de C2C. On reste dans les trios ou quatuors de gars derrière des platines avec Scratch Bandicrew. Voilà, c'est un peu la même config. Ils sortent aussi un nouvel album qui s'appelle. Enfin, eux, ils sortent un nouvel album, pas C2C, hein, c'était Vincil qui sort un nouvel EP. Et donc, Scratch Bandicrew sort un nouvel album qui s'appelle Stereo 7 ou 7. Et donc voilà, on est dans ce genre de musique avec 4 DJ scratcher. C'est tous des mecs qui sont champions du monde de DMC dans une catégorie, dans une autre. C'est-à-dire qu'ils sont champions du monde de scratch, en fait, tout simplement. Donc on écoute de la musique pointue et virtuose. C'est Scratch Bandicrew.

into the lake of missing tears. So better say a long goodbye instead of using songs to cry. Are you still with me? You're gonna miss me. Are you still with me? You're gonna miss me. I just didn't have the stomach for life upon the star-studded summit. So afraid I couldn't cut it. Well, maybe I'm not so cold-blooded. I'm not so cold-blooded. Better say a long goodbye instead of using these songs to cry. These changes are so minuscule. I'm still addicted to the ridicule. On traduit les paroles de Chilly Gonzalez, c'est ce que ça veut dire. Are you still with me? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous allez me manquer, mais lui, il le dit miss me, alors qu'on devrait dire miss me. Miss me, donc miss, M-Y-T-H, qui veut dire le mythe, en fait, enfin, mystifier, ou je sais pas, quelque chose comme ça. Le jeu de mots est assez joli. Chilly Gonzalez qui sort un album avec essentiellement un quatuor à cordes, en fait. Un album à écouter dans le bain, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, on reviendra sur Chilly Gonzalez, il y a plein de choses à dire. Il a produit plein de titres, il est au centre de plein de projets, mais on ne sait pas qu'il est là. On en reparlera. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous allez me manquer pendant 2 semaines, mais je serai là dans 2 semaines pour une nouvelle émission de Zik Actu. En attendant, j'espère vous revoir dans 2 semaines et j'espère que vous avez passé une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bonsoir.